fait que le journaliste pour critiquer notre musique. Vous avez pas le droit de dire des trucs que vous faites en même pas. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Vous restez à faire un groupe de merde, alors fermez vos gueules. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Se fait chier à faire de la musique, alors critiquez pas, allez vous faire enculer si vous aimez pas. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Vous faites à faire un groupe de merde, alors fermez vos gueules. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Si vous voulez dire des trucs aussi méchants, faites-le vous-même. La musique, vous avez qu'à la faire si vous aimez pas ça. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Vous faites à faire un groupe de merde, alors fermez vos gueules. Vous avez pas le droit de dire que notre musique elle est bien. Oh yeah! Oh toi ta gueule là, le musicien là.